marche dans la neige, glisse et tombe à genoux. Elle pleure et se relève, ça y est, elle est debout. Des voix derrière, elle la chasse, elle repart en boitant. Ils la suivent à la trace avec leur chien méchant. Mathilde a 12 ans, c'est vrai, c'est pas beaucoup. L'envie de vivre sûrement, mais ça ne fait pas tout. Je peux